Toi t'es qui, tu veux quoi, t'étais où, j'étais seul, pas une club, pas une fête. J'ai failli passer, j'parle beaucoup du passé, car j'aime pas les pansements, le présent c'est maintenant. Et à présent j'fais du sale, la scole la banane, la scole votre banane. J'déguste la carotte, papote pas, j'ai peu de potes, ma sécu c'est une capote. J'fais tout capoter, la banque la pète au capot. Toi t'es qui, tu veux quoi, t'étais où, j'étais seul, pas une club, pas une fête. J'ai failli passer, j'parle beaucoup du passé, car j'aime pas les pansements, le présent c'est maintenant. Et à présent j'fais du sale, la scole la banane, la scole votre banane. J'déguste la carotte, papote pas, j'ai peu de potes, ma sécu c'est une capote. J'fais tout capoter, la banque la pète au capot. T'étais où, tu veux quoi, j'avais faim, ça se voyait. Voyons, voyou, va un clou, va gratter. C'est bien moi qui caillais sur du riz, j'avais froid. Midi, minuit, toute l'année, j'avais faim. Eh, j'fuyais les keufs comme des futilités. La squad s'fait péter, gros, c'est normalisé. Normal, ces bâtards, ils rêveraient de m'avoir. Ils seraient ravis de me revoir à fleurir. Ma gueule t'a flopé, la squad est affleurant. J'remonte la pente, t'es en train de m'arrêter. Ton temps est compté, moi j'compte compter du papier. Pipote m'a trahi, moi et toi, c'est fini. Eh, sinon, j'te fais, tu racontes mes méfaits. Chacun, j'suis méfiant et j'vais pas la fermer. J'suis venu t'affirmer, tu es un sacré gourmand. Un sacré requin qui va se faire le parrain. La rue rend paro, mais la moi est parée. T'es pas préparé, chaque dimanche, c'est carré. J'te mets sur le carreau parce que t'es une carotte. La street c'est réel, femme sa folle qui t'appelle. Tu béton en appel car ton pote a pouca. Avec lui t'as tout fait, il raconte tes méfaits. La squale est méfiant, je me méfie de tes amis. T'es très prétentieux, c'est pour ça que je me méfie. Je suis un affamé, un peu comme Pancani. Très limpino que je m'en passe, je croque dans le gâteau. On m'a jamais gâté, la squale, la rue, la vraie. Et la vérité, t'étais où, j'étais seul. Seul maman et ma poche, gros, ça rêvait du porc. J'y vais seul, je vais manger méchamment. C'est maintenant, mon présent c'est demain. Bendejo le R1, et il m'a sa villa, ouais, il m'a sa villa. T'es qui, tu veux quoi, t'étais où, j'étais seul, pas une club, pas une fête. J'ai failli passer, je parle beaucoup du passé car j'aime pas les pansements, le présent c'est maintenant. Et à présent, je fais du sale. La scole la banane, la scole votre banane. Je déguste la carotte, papote pas, j'ai peu de potes, ma sécu c'est une capote. Je fais tout capoter, la banque la pète au capot. Toi t'es qui, tu veux quoi, t'étais où, j'étais seul, pas une club, pas une fête. J'ai failli passer, je parle beaucoup du passé car j'aime pas les pansements, le présent c'est maintenant. Et à présent, je fais du sale. La scole la banane, la scole votre banane. Je déguste la carotte, papote pas, j'ai peu de potes, ma sécu c'est une capote. Je fais tout capoter, la banque la pète au capot.